Les larmes du soleil. Il y a de cela très longtemps, à l'époque où les ténèbres étaient éternelles, où dans l'univers rien encore n'avait été créé, et où seul le désert sidéral régnait en maître absolu, vivait un être doté de pouvoirs fantastiques. Il avait en effet réussi à dominer la puissance de sa pensée, et par là même, possédait le don de faire émerger des images mentales qui devenaient alors réalité. Du plus profond de lui-même, il imagina une sorte de demi-cercle multicolore qu'il fixa sur l'horizon. Et comme cette image lui plaisait, il décida de l'éterniser. Depuis lors, un embryon de lumière apparut dans la galaxie et notre ami magicien put le contempler à l'envi. Il aurait cependant souhaité une plus intense clarté, mais malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à la créer. Un jour, en désespoir de cause, il fit apparaître une étincelle aux extrémités de l'arc suspendu. Celui-ci se mit à se consumer par les deux bouts et s'effaça progressivement au grand désarroi du magicien solitaire qui ne put rien faire pour stopper la disparition du chef-d'œuvre. Le pauvre inventeur virtuel devint profondément triste, car la nuit, de plus en plus opaque, étendait son manteau noir, rendant le cosmos de plus en plus lugubre et angoissant. Mais, lorsque les deux étincelles se rejoignirent au centre de l'arc de cercle, une énorme détonation secoua la galaxie. Le magicien perdit connaissance. Les ténèbres s'estompèrent, une douce chaleur se répandit et tout en haut apparut une gigantesque boule de feu. Lorsqu'il rouvrit les yeux, notre ami fut émerveillé par l'intensité lumineuse et la multitude de couleurs qui voletaient autour de lui. Il décida d'appeler cette nouvelle image, au demeurant bienfaisante, « Soleil ». Depuis lors, le froid perdit de sa morgue et l'obscurité du partagé avec la lumière, ce fut la naissance des jours et des nuits. Au bout de quelque temps, le soleil devint triste. Il était en effet tout seul et cette solitude lui pesait. Il éclairait moins, ses rayons n'étaient plus aussi ardents, il errait dans le firmament à la recherche d'un éventuel compagnon qu'il ne pouvait évidemment pas trouver. Désespéré, il se mit à pleurer, et ses larmes qui brillaient allèrent vite se réfugier dans un coin de l'univers pour échapper à la trop forte chaleur dégagée par le monarque astral. Le magicien, témoin du phénomène, décida de nommer étoile toutes ces larmes qui se dispersaient dans la galaxie. La dernière larme du soleil, bien plus grosse que les autres, choisit un endroit douillet et s'installa pas très loin de la maison du petit être, qui décida alors de la baptiser Lune. Les étoiles et la lune sont donc des larmes du soleil.